non, c'est nul. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon sang. Oh, vite, bon, on va pouvoir lancer une opération d'infiltration dans la semaine. Ok. Putain, je suis en train de bailler pour de vrai. Bon sang, au rythme où on va pouvoir bosser. On va pouvoir bosser, tu vois. Ouais. Bon sang, au rythme où on va pouvoir lancer une opération d'infiltration dans la semaine. Dans la semaine. Bon sang. Au rythme où on va pouvoir lancer une opération d'infiltration. C'est bien, j'ai bien lu. Ah, mais j'ai oublié de mettre en grand. C'est pour ça que je voyais pas bien. Hop, 150. Bon sang. Au rythme où on va pouvoir lancer une opération d'infiltration dans la semaine. Ouais, c'est compliqué. J'arrive pas trop à faire le début de la phrase. Bon sang. Au rythme. Comment? Ouais. Bon sang. Au rythme où on va pouvoir lancer une opération d'infiltration dans la semaine. Est-ce que c'est aussi gros que ma bite? Le mec, il sait plus se contrôler. Écoutez, alors là, je ne suis pas binaire, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que je raconte? Oh, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Je suis fatigué, j'arrive plus à parler. La double comptabilité, les plans d'une machine inconnue, tout concorde. J'en suis sûr. Vous ne pouvez pas choper les plans de plus près... Non, qu'est-ce que je raconte? Alors, on recommence. La double comptabilité, les plans d'une machine inconnue, tout concorde, j'en suis sûr. Vous ne pouvez pas... Okay. Vous ne pouvez pas choper les plans. Vous ne pouvez pas choper... D'accord. Vous ne pouvez pas prendre des plans plus précis de la ville. Cette partie-là? Ou tout? La double comptabilité, les plans d'une machine inconnue, tout concorde, j'en suis sûr. J'en suis sûr. J'en suis sûr. J'en suis sûr. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Vous ne pouvez pas prendre des plans... Comment ? Vous ne pouvez pas prendre des plans plus précis de la ville ? Vous ne pouvez pas prendre des plans plus précis de la ville ? Alors, on le fait, je me déshabille et... c'est pour le porno, c'est pour le porno MP3. Allez, il faut que je me calme. Hein. Tu m'as hypé du coup, j'essaye de donner de la matière. Alors, on le fait. Voilà, maintenant je suis perturbé par ma propre connerie. Alors. Pardon. Alors, on le fait. Demain, on appelle le QG et on met Delta 1, 2 et 3 sur le coup. On le fait vraiment. Je joue très mal. Ce n'est pas possible. Oh là là. Alors. Alors, on le fait. Demain, on appelle QG. Le QG. Alors, on le fait. Ok, d'accord. Alors, on le fait. Ah, bah du coup, si on n'y touche plus, on le fait pas. Je dois avouer que je suis un peu déçu. J'avais mis des sous-vêtements à friolant. Alors, demain on appelle le QG et on met Delta 1, 2 et 3 sur le coup. On le fait vraiment? Non, il faudrait que je fasse le dernier. Demain on appelle le QG et on met un... Demain on appelle le QG et on met Delta 1, 2 et 3 sur le coup. Demain on appelle le QG et on met Delta 1, 2 et 3 sur le coup. D'accord. Demain on appelle le QG et on met Delta 1, 2 et 3 sur le coup. Est-ce qu'il s'en fout ou pas? Ok, d'accord. Demain, on appelle le QG et on met Delta 1, 2 et 3 sur le coup. Ok, d'accord. Demain, on appelle le QG et on met Delta 1, 2 et 3 sur le coup. Demain, on appelle le QG et on met Delta 1, 2 et 3 sur le coup. Non, j'ai buté sur le mot. Ouais, ouais. Demain, on appelle le QG et on met Delta 1, 2 et 3 sur le coup. On le fait vraiment? On le fait vraiment? Ce n'est pas important. Faudra mettre ça dans, tu sais, le synopsis. Ceci n'est pas un porno! Eh, hey, aujourd'hui ça fait un mois. Eh, hey, aujourd'hui ça fait un mois que je n'ai pas eu mes règles. Je ne vous l'ai pas dit. Eh, hey, aujourd'hui ça fait un mois. Non, c'était nul. Eh, hey, aujourd'hui ça fait un mois. Eh. Hey. Aujourd'hui, ça fait un mois. Exactement. Depuis votre arrivée dans la rébellion, ça fait pile un mois maintenant. Notre marché, vous l'avez brillamment tenu. Je me suis bel et bien trompé sur votre compte. Ouais. Depuis votre arrivée dans la rébellion, ça fait pile un mois maintenant. Notre marché, vous l'avez brillamment tenu. Je me suis bel et bien trompé sur votre compte. Tout. Depuis votre arrivée dans la rébellion. Ça fait pile un mois maintenant. Notre marché, vous l'avez brillamment tenu. Je me suis bel et bien trompé sur votre compte. Je sais. Oh. Vous n'êtes pas mon... Oh. Vous n'êtes pas mauvaise non plus. Vous êtes même... plutôt... bonne, si vous voyez ce que je veux dire. Le rigueur, ça devient vieux beauf. Ouais. Oh. Vous n'êtes pas mauvaise non plus. Le mec, il est complètement déstabilisé. Je ne sais plus. Oh. Vous n'êtes pas mauvaise non plus. Oh. Oh. Oh. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Vous n'êtes pas mauvaise non plus. Vous n'êtes pas mauvaise non plus. Non. Tu préfères quand même. Vous savez, je pense qu'au point où on en est, Et vu le bourbier dans lequel on va se fourrer, on peut se tutoyer maintenant. Si ça vous va, bien sûr. Vous savez, je pense qu'au point où on en est, et vu le bourbier dans lequel on va se fourrer, on peut se tutoyer maintenant. Si ça vous va, bien sûr. D'accord. Si ça vous va, bien sûr. À plaisine et wear. Un plaisir partagé, Lorla. Du coup, ils se tutoient pas, ils disent tout le temps leur prénom. Non. Un plaisir partagé, Lorla. Mania. Madame Gorafi. Je sais pas pourquoi. Pose pas de questions. Mais je sais, je sais. Alors. Ouais, ouais, je... page 8. Pardon. Donc, je le dis comment, ça? Et la personne est là? Ouais, c'est ça. Madame Goffal? Monsieur le directeur va vous recevoir. Vous êtes le suivant, monsieur Dewert. Madame Goffal, le directeur va vous recevoir. Vous êtes le suivant, monsieur Dewert. Putain. Vous êtes le suivant, monsieur Dewert. Ouais, ouais. Vous êtes le suivant, monsieur Dewert. Vous êtes le suivant, monsieur Dewert. Oui, je suis en train d'arriver au bon truc. Hop là. Tu m'entends, là, hein? Sans vouloir vous presser, mademoiselle, le directeur vous attend. D'accord. Sans vouloir vous presser, mademoiselle, le directeur vous attend. Peut-être trop rapide, là. C'est trop neutre. Sans vouloir vous presser, mademoiselle, le directeur vous attend. Sans vouloir vous presser, mademoiselle, le directeur vous attend. Il parle de moi. Senpai. Alors. Tout de suite, monsieur. Sors rapidement. Ça faisait drôle longtemps, hein. Tout de suite, monsieur. Tout de suite, monsieur. Allez-y, monsieur Dewert. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Bonne journée. Allez-y, monsieur Dewert. Bonne journée. D'accord. Bonne journée. Alors. Allez-y, monsieur Dewert. Bonne journée. D'accord. Allez-y, monsieur Dewert. Bonne journée. Allez-y, monsieur Dewert. Bonne journée. Ressort. Ah ouais, bah du coup, ça lui a pas porté chance. Mademoiselle Goffal, qu'est-ce que vous faites là? Le couvre-feu va bientôt tomber. Ah, il est vraiment inquisi... Enfin, il se demande juste... Ok. Mademoiselle Goffal, qu'est-ce que vous faites là? Le couvre-feu va bientôt tomber. Non? D'accord. Ok, d'accord. Plus gentil. Mademoiselle Goffal, Qu'est-ce que vous faites là? Le couvre-feu va bientôt tomber. Non. C'était bon? Ok. Je trouvais qu'il faisait vraiment trop bisounours sur la fin, mais ok, d'accord. Mademoiselle Goffal? Qu'est-ce que vous faites là? Non. Qu'est-ce que vous faites là? Le couvre-feu va bientôt tomber. Le couvre-feu va bientôt tomber. Il est déjà parti. Ouais, complètement. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Ok, d'accord. Il est déjà parti. Mec, pas du tout. Pas du tout cramé. Il est déjà parti. J'arrivais pas, en fait, à reprendre la phrase, et du coup, j'ai fait traîner le truc pendant 5000 ans, et du coup, c'était n'importe quoi. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Bonne soirée, Madame Goffal. Putain. Comment je peux me putain. Bonne soirée, Madame Goffal. Et toutes mes condoléances. Bonne soirée, Madame Goffal. Et toutes mes condoléances. Oh, parfait. Hop là.